François Morel, c'est à vous. Dans l'éclair des Pyrénées, l'édito de Jean-Marcel Bougreau, réagissant à la sortie du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, avait pour titre, mercredi dernier, Les Thénardier du grand âge. Alors j'ai pensé à Cosette. Cosette qui a 100 ans. Cosette qui fait des escarres. Parfois elle crie, Cosette. Elle appelle Fantine. Fantine, Fantine! L'auxiliaire de vie est dans les étages. Elle ne peut pas être partout. Quand elle arrive, elle est fâchée. Elle est essoufflée. Elle dit, vous n'êtes pas toute seule, Fantine, Fantine. C'est qui cette Fantine? Elle lui demande. C'est ma mère qu'elle répond. C'est ma petite maman qui a bien souffert. Votre mère, elle est morte, qu'elle lui dit. Elle est morte depuis longtemps. Vous êtes trop vieille pour avoir une mère. Faut vous calmer maintenant, faut vous reposer, faut pas crier comme ça. Vous n'êtes pas toute seule. Les Thénardier déjeunent avec le président du conseil régional des Hauts-de-France. Thénardier commande la fricassée de Ridevaux. Sa femme a choisi le dos de turbo. Le président de région hésite entre les quenelles de brochet aux écrevisses et le filet de bœuf Hemingway. Il tergiverse, il ne sait pas quoi choisir. Tout est bon. « Prenez les deux, rigole Thénardier. » Cosette pleure dans son lit. Son escarre lui fait mal. La dame lui a dit qu'elle n'est pas toute seule, alors que si, elle est toute seule, Cosette, vu qu'elle n'a plus sa maman, qui est morte depuis longtemps. Elle dit « J'ai fait pipi. » On lui dit « Vous avez déjà eu deux couches aujourd'hui. » « Je ne sais pas, » répond Cosette. On lui dit « On verra ça tout à l'heure. Il faut vous reposer maintenant. Vous n'êtes pas toute seule. » À la closerie des Lilas, le président de région demande aux Thénardier s'il leur reste une place pour le dessert. « Pourquoi pas ?» répond Thénardier. « Les profiteroles sont excellentes, le millefeuille à la vanille de Madagascar aussi. On n'est jamais déçu avec un baba au rhum », fait remarquer le président de région. « Prenez les trois, » rigole Thénardier. Cosette pense à Jean Valjean, qui est si gentil, et à Marius, qui est son amoureux. Tout se mélange dans sa tête. Elle se retourne dans son lit, son escarre lui fait mal. Elle sent l'urine. Elle appelle sa mère, Jean Valjean, et Marius, et l'auxiliaire de vie. Mais personne ne lui répond. Si ça se trouve, tout le monde est mort. À la closerie des Lilas, le président de région est parti pisser. Thénardier fait remarquer à sa femme, « Il est trop con, il sera jamais président de la République. » « C'est possible, » répond sa femme. « En attendant, on peut toujours lui refourguer d'autres maisons de retraite. »« T'as raison, » répond Thénardier, « faut que ça crache. » Les Fossoyeurs est paru cette semaine, Les Misérables en 1862, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Victor Hugo. Et merci à vous, François Morel. France Inter.